Kaya wasu yan. Ntis ko tamagwi. Tan che yop mude yan. Nin. Kaya wasu yan. Nuwapad ni gwi. Tan che hiniw yan. Je suis né sur une île, et sur cette île, il y avait une montagne qui s'appelait Wapishkut, le Mont Blanc. Et au sommet de ce mont, vivait un vieil homme qui portait en lui un secret, le secret de l'humanité, lui de Magui. Ang tapad yung mustago. Nui tamago na muhum. Chichi na ang tamis patinamak. Kuta kawin. Chichi ka ang tama na namak. Kuta kawin. J'ai marché jusqu'à cette montagne pour trouver la vérité sur ce secret. Je me suis assis près de ce vieil homme. Koihet Nuitemak Chinwas Chinchra Chituten Chinchra Pmuten Tan che tu temen nete nikan. Le secret de l'humanité se trouve en chacun de nous. C'est d'avoir un immense respect.